T'as pas la fusée, un vrai vendeur de rêves, t'es son cauchemar, c'est abusé. Tu lui promets les étoiles, mais tu sais que son ciel est gris. Elle était toute heureuse, mais tu l'as rendue aigrie. T'es un manipulateur, tu joues avec ses peurs. Tu fais comme si t'avais pas tendé, c'est elle qui devrait pas te donner l'heure. Elle ne voit pas que tu penses qu'à toi, parce qu'elle n'a Dieu que pour toi. Que toi sur sa route, donc c'est normal qu'elle marche au pas. Elle a changé pour de vrai, parce qu'avec elle t'étais faux. On voyait que ses qualités, maintenant on voit que ses défauts. Elle avait une confiance aveugle, maintenant elle y voit flou. Elle veut plus communiquer, elle a même peur de la foule. Ma chérie, on te reconnaît plus, pourquoi tu joues à ça? T'es perdu dans le rôle dans lequel il veut que tu sois. C'est plus toi qui parles et c'est ces mots que j'entends. Il va te mettre KO, je suis obligée de te le dire sans gants. Ma chérie, on te reconnaît plus, pourquoi tu joues à ça? T'es perdu dans le rôle dans lequel il veut que tu sois. C'est plus toi qui parles et c'est ces mots que j'entends. Il va te mettre KO, je suis obligée de te le dire sans gants. Je te reconnais pas, redeviens-toi, il te mérite pas. Ouais, next ce gars, tu seras en bas, mais je serai là, tu seras en bas. Étape par étape, on va te reconstruire. Mais tu dois le fuir, il t'apporte rien de bien. Il ne fait que te nuire, il faut que tu le lâches. Ah, en vrai c'est qu'un lâche. Ah, elle a changé pour de vrai, parce qu'avec elle t'étais faux. On voyait que ses qualités, maintenant on voit que ses défauts. Elle avait une confiance aveugle, maintenant elle y voit flou. Elle veut plus communiquer, elle a même peur de la foule. Ma chérie, on te reconnaît plus, pourquoi tu joues à ça? T'es perdu dans le rôle dans lequel il veut que tu sois. C'est plus toi qui parles et c'est ces mots que j'entends. Il va te mettre KO, je suis obligée de te le dire sans gants. Ma chérie, on te reconnaît plus, pourquoi tu joues à ça? T'es perdu dans le rôle dans lequel il veut que tu sois. C'est plus toi qui parles et c'est ces mots que j'entends. Il va te mettre KO, je suis obligée de te le dire sans gants. Ne m'en veux pas de te le dire. Ma chérie, il faut que tu te tires. Je sais ce que tu peux ressentir. Je serai là pour le meilleur et pour le pire.